de City sur Fadjet. La musique de toutes les cultures. Présentée par Jérôme. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. C'est une nouvelle année qui débute aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier et je vous souhaite tout de suite mes vœux de bonheur pour 2018 à tous les auditeurs de Fadjet, à tous les admirateurs de Music and the City et à tous mes proches également. Une nouvelle année sous le signe de la musique encore et toujours et une émission qui continuera de vous évader le temps d'une petite demi-heure chaque lundi à 19h30. Mais nouveauté, la rediffusion chaque samedi à 18h30. Plus aucune excuse pour manquer un seul épisode. Ce soir, je vous l'avais promis la semaine passée, je tiens toujours mes promesses, Petula Clark avec le titre Downtown, tout droit venu de l'année 1964. Pour l'anecdote, j'ai découvert cette chanson dans la saison 3 de Lost. Les fans seront ravis de l'entendre et une autre chanson de la série sera proposée. Mais avant, je vous souhaite une bonne soirée sur Fadjet et c'est parti. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there. Can't forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown. Things will be great when you're downtown. No finer place for sure, downtown. Everything's waiting for you. Downtown. Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close. Downtown, just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The lights so much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares, so go. h 20h, Music and the City sur Fadjet. Ce n'est pas parce que 2018 vient d'arriver que nous devons obligatoirement nous plonger dans son répertoire musical tout frais. Je vous propose plutôt une thématique ce soir sur des reprises de grands tubes, parce que des reprises, il y en a eu moult. Alors bien évidemment, pas de M. Pokora ce soir, non. On va plutôt s'attaquer à des artistes beaucoup moins médiatisés dans notre hexagone, et on va démarrer avec Sandra Bernhard. Ah, son nom ne vous dit peut-être rien, c'est normal. Immense star aux États-Unis depuis les années 80, elle n'a que très rarement été exportée en France, et moi je vous le dis, c'est bien dommage. Chanteuse, comédienne, scénariste et compositrice, vous l'avez quand même peut-être connue dans la série Roseanne au milieu des années 90, elle y jouait notamment le rôle de Nancy. mais parlons plutôt de sa musique, 13 albums studio depuis 1985. D'ailleurs, elle va enregistrer l'album Excuse for Bad Behaviors en 1994 et là va proposer en single une reprise de Jimmy Somerville. Parce que si on a tous dansé sur l'excellent tempo dance de You Make Me Feel Mighty Real, et bien la version de Sandra Bernhard est quelque peu différente. Plus sensuelle, plus douce, elle propose une dimension nouvelle à la chanson que l'on découvre tout de suite, sans plus attendre. Et comme vous connaissez les paroles, eh ben, c'est à vous de jouer. Les artistes oubliés reviennent dans Music and the City. Le Le début du XXIe siècle a vu bon nombre d'émissions de variétés nouvelles à la télévision. À mi-chemin entre le véritable télécrochet et la télé-réalité, les Starac et compagnie, on en a pas mal mangé. Dans le lot, la nouvelle star, qui à l'époque d'ailleurs, rappelons-le, s'appelait à la recherche de la nouvelle star. Est-ce qu'ils l'ont trouvé ? On se pose encore la question. Mais lors de la première édition en 2003, édition gagnée par le beau Jonathan Cerrada, dont je vous reparlerai d'ailleurs très prochainement parce qu'il y a des choses à dire, on y découvrait un mec au physique de poupée Ken, mais avec une voix cristalline. Le Thierry Amiel, ouais, vous avez mis le doigt dessus. Sélectionné grâce à une reprise de Serge Lama avec Je suis malade, il va éblouir le public chaque semaine, toujours en compétition avec Monsieur Cerrada bien sûr. Même s'il n'a pas remporté l'émission, il a quand même remporté le cœur des Français avec son premier single « Les mots bleus ». Vous la connaissez, reprise du chanteur Christophe, la chanson sera disque d'argent en France à l'automne 2003. Petite bise à Marion de Génération VHS, je sais qu'elle adore cette chanson, son papa aussi, avec « Les mots bleus » de Thierry Amiel, tout de suite dans Music and the City. Je lui dis évadez-vous sur Fadjet dans Music and the City. Hello, Samantha. And this is WCDA. Are you there? Au début de l'émission, je vous ai parlé de la série Lost. Véritable carton d'audience à sa sortie avec plus de 17 millions de téléspectateurs pour le pilote, c'est pas rien, la série a duré quand même 6 saisons, de 2004 à 2010. Et franchement, avouons-le, c'est le meilleur putain de truc que j'ai jamais pu voir à la télévision. Après plusieurs visionnages de l'intégralité, je découvre encore des mystères à chaque fois. Et comme je me refais la série en entier chaque hiver, bah vous comprenez pourquoi je vous en parle maintenant, puisque je suis en plein dedans. Outre Petula Clark avec Downtown, il y a une chanson que tous les fans de Lost connaissent par cœur et qui est même devenue l'hymne des fans. Make Your Own Kind of Music de Mama Cass. Alors remettons-nous un peu dans l'ambiance. Fin de la saison 1, la fameuse trappe mystérieuse est enfin ouverte et on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Boum, premier épisode de la saison 2, il démarre avec un homme, on ne voit pas son visage, cet homme se lève, tape une série de chiffres sur un ordinateur qui date des années 70 et écoute un vinyle 33 tours. Je vous le donne en mille, la chanson Make Your Own Kind of Music. Ah bah, à vous de revoir cette scène, ou voir même la série entière, mais tout de suite. On va donc écouter Mama Cass, version originale, et tout de suite après, sans transition aucune, le remix par les Français Mathieu Button et Muttonhead, qui est sorti en 2010, juste après l'arrêt de la série. Tiens. Music and the City vous fait découvrir des thèmes ensoleillés sur Fadjet. Music in the City sur Fadjet. Dernière ligne droite de notre première émission de l'année 2018 avec une reprise d'un tube planétaire des années 70. Hein, on remonte un petit peu le temps. En 2002, ouais, encore une fois, venu de nulle part, trois filles superbes débarquent sur les ondes et les clubs de France. Trois mannequins qui n'y connaissent pas grand-chose à la chanson mais qui vont tout de même cartonner avec leur reprise d'un titre d'Irène Cara. On les avait un peu oubliés parce qu'elles ont rendu les micros juste après cette unique tentative, mais c'était vraiment pas mal. Un nouveau souffle pour le tube Fame avec les Models. Et ouais, on les redécouvre tout de suite maintenant dans Music in the City sur Fadjet. Music in the City sur Fadjet. Music in the City se termine sur Fadjet, mais vous pouvez la retrouver cette émission en podcast dès ce soir, eh ouais, sur le Fadjet de l'émission, Fadjet-Music in the City, et également la rediffusion le samedi à 18h30 chaque semaine, si c'est pas formidable tout ça. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Mais avant toute chose, jeudi soir, parce que jeudi soir, qu'est-ce que c'est ? C'est la première de l'année de Génération VHS avec tous les copains de la team VHS. Donc surtout, soyez présents parce que ça va être une émission de folie. Voilà. Bonne soirée à tous, bonne écoute de musique et à la semaine prochaine. Ciao.